오케이 오케이 야모 가소스 Insolence le beat. Check ça. Rien ne sert d'être agressif ou de jouer des violents. Moi sur le beat j'ai la technique, je suis devenu insolent. Technique de bâtard, ça fait brailler les rageux. Et pourtant je me la pète pas car le rap ce n'est qu'un jeu. Commentaire en anonyme, blablabla sur MSN. Ça ne sait pas faire une rime mais ça veut monter sur scène. Tu m'as pris pour un polos, trop marrant carbonique. Je représente ma casse, t'es pas content, va fond le couloir. Les rappeurs m'ont trop saoulé, ils parlent trop de concurrence. Et j'ajoute dans la foulée que leur flow a des carences. C'est le monde à l'envers et je suis pas le seul à le caisser. C'est comme si tu l'hiver était devenu minimati. Si ton rap immatière c'est parce qu'il pue à 100 mètres, mais je compte pas le clash, il aurait trop de mal à s'en remettre. On m'appelle insolent ou alors provocateur. Insolent, insolent, rien de plus évocateur. I-N-S-O-L-E-L, délire, mot, cassos, on est là, ok. Dans le rap, dans le game, dans la street, dans l'arène, mon poteau, pas de problème, on est OP. I-N-S-O-L-E-L, délire, mot, cassos, on est là, ok. Dans le rap, dans le game, dans la street, dans l'arène, mon poteau, pas de problème, on est OP. J'ai pas besoin de Red Bull pour sortir pousser des ailes. Quand tu m'entends tu t'étouffes comme si tu pouffais un bret. Y'a que dans le rap que je fais du zèle. Moi le mic je le kiffe mais je rappe pas pour faire du zèle. Non non c'est pas l'objectif. Je t'ai parlé de mesures, tu m'as demandé ce que c'était. J'ai écrit pété derrière, tu as dit je me la pétais. Je ne suis pas parisien, je ne suis pas marseillais. Mais je rappe bien par ici, je suis bien le seul à essayer. L-A-V-A-L, voilà ce que je représente. Fais gaffe si tu pars ma tête, attends pas ce que je plaisante. Tout le beat, je suis dans le rythme, moi je fais pas de la courage. J'écoute pas ces narvalos qui veulent me faire la morale. Quand je joue un jeu, je veux toujours le gagner. Donc si le rap c'est un game, je viens tout défourailler. Le podium m'intéresse pas, je ne dis que la première place. Si le rap était un train, je voyagerai en première classe. I-N-S-O-L-E-L, délire, mot, cassos, on est là, ok. Dans le rap, dans le game, dans la street, dans l'arène, mon poteau, pas de problème, où on est OP. I-N-S-O-L-E-L, délire, mot, cassos, on est là, ok. Dans le rap, dans le game, dans la street, dans l'arène, mon poteau, pas de problème, où on est OP. Moi, coupé de 16 mesures, je lésine pas sur les moyens. Dans le rap, j'ai du vécu, mais je ne suis pas un doyen. Si t'aimes pas ma zik, rien t'empêche de la saper. Si jamais tu t'ennuies, rien t'empêche de me clasher. Quand je croise un parasite, je ne fais pas dans le détail. Viens faire un tour par ici, y'a trop de Michael Vendetta. Qualifié pour la coupe, sans passer par les parages. Chaque musique est un défi, eh cousin, j'ai trop la rage. De l'autoroute du rap, j'suis pas passé par le péage. Je roule sur la file de gauche, j'esquive l'embouteillage. Caractère insolent, je détruis les batteries. J'suis efficace trop souvent, voilà ce qui me caractérise. Le rap, c'est mon terrain, forcément ça la fouma. Sur les côtés, je déborde un peu comme Roma Mouma. T'auras pas mon 06, ça sert à rien, j'suis pas une star. J'ai commencé en 2006, je finirai beaucoup plus tard. I-N-S-O-L-E-L, délire, mot, cassos, on est là, ok. Dans le rap, dans le game, dans la street, dans l'arène, mon poteau, pas de problème, où on est OP. I-N-S-O-L-E-L, délire, mot, cassos, on est là, ok. Dans le rap, dans le game, dans la street, dans l'arène, mon poteau, pas de problème, où on est OP.